rejoins la troupe féline et savoure le titre. Je décline tout cheminement à coups de grippe. Je suis planqué dans ma petite entrée, mâchouille le bif. En quête de sérénité, c'était pas l'effet désiré. J'aperche imité à se passer de certains gibiers. Se croyant satisfait, adepte du bâillement. J'aperçois la rivière, mais reste sur ma branche et guette les mésaventures. Je me bats avec des mouches plutôt qu'avec des tarentules. Ouais, sale période, passe Léo, passe souvent. Aller au solo dans des sables mouvants. Pense être autonome, aucunement aspirant au trône. Mon museau prend garde au sommet, je les observerai du haut d'en bas. En attendant, je scrute la vue d'une colombe et use sans ruse de la plume du faucon. Du haut d'en bas, c'est le rêve d'un lionceau qui voudrait être en paix. Mais lui-même s'en empêche, ouais. Du haut d'en bas, c'est l'éternel paradoxe qui nous fait être entiers. Au croisement des sentiers, du haut d'en bas, bien loin de l'imposture, la doublure et le sosie. Une allure qui oscille, du haut d'en bas, c'est la proximité des extrêmes et qui sait laquelle nous fera exister. Moi, c'est la vie, chez moi, pour cuisiner, manger, dormir comme je veux. Et ouais, c'est ça, être libre. Moi les rends évadés de la maison mère en partant conquérir ma propre raison d'être. J'ai cueilli le sommeil dans une fleur de pavot pour tirer le soleil hors de mes carreaux. Rêver cauchemar ensemble furent amorcés et la nuit m'a baptisé enfant de Morphée. J'en suis l'épisode pivot de la série où l'enfant prodige devint l'enfant terrible. Colombe égarée des roues de Katmandou. En oiseau de malheur j'ai fait les 400 coups. Quand mon âme enivrée par les vins à Baudelaire s'est abandonnée au raisin de la colère. Petite graine c'était ma crise d'arborescence. Consciente naïve comme une rime adolescente qui devenue guide d'une vie de randonnée. Assuré c'était l'angri de mon arc cantonné. Du haut d'en bas, c'est le rêve d'un lionceau qui voudrait être en paix. Mais lui-même s'en empêche, ouais. Du haut d'en bas, c'est l'éternel paradoxe qui nous fait être entier. Au croisement des sentiers, du haut d'en bas, bien loin de l'imposture, la doublure et le sosie. Une allure qui oscille, du haut d'en bas, c'est la proximité des extrêmes et qui sait laquelle nous fera exister. Pouvoir disposer du temps, de l'espace, et de mon esprit, de mon corps, de mon âme, sans que personne ne m'ennuie. C'est important. Du haut d'en bas, c'est le rêve d'un lionceau qui voudrait être en paix. Mais lui-même s'en empêche, ouais. Du haut d'en bas, c'est l'éternel paradoxe qui nous fait être entier. Au croisement des sentiers, du haut d'en bas, bien loin de l'imposture, la doublure et le sosie. Une allure qui oscille, du haut d'en bas, c'est la proximité des extrêmes et qui sait laquelle nous fera exister.